le Nil, nourricier et défenseur de l'Égypte. Le Nil portait partout la fécondité avec ses eaux salutaires, unissait les villes entre elles, et la grande mer, avec la mer Rouge, entretenait le commerce au-dedans et au-dehors du royaume, et le fortifiait contre l'ennemi, de sorte qu'il était tout ensemble, et le nourricier, et le défenseur de l'Égypte. On lui abandonnait la campagne, mais les villes, rehaussées avec des travaux immenses et s'élevant comme des îles au milieu des eaux, regardaient avec joie, de cette hauteur, toute la plaine inondée et tout ensemble fertilisée par le Nil. Lorsqu'il s'enflait outre mesure, de grands lacs, creusés par les rois, tendaient leurs seins aux eaux répandues. Ils avaient leurs décharges préparées. De grandes écluses les ouvraient ou les fermaient selon le besoin. Et les eaux, ayant leur retraite, ne séjournaient sur les terres qu'autant qu'il fallait pour les engraisser. Tel était l'usage de ce grand lac qu'on appelait le lac de Myris ou de Meuris. C'était le nom du roi qui l'avait fait faire. On est étonné quand on lit, ce qui néanmoins est certain, qu'il avait de tours environ 180 de nos lieues. Pour ne pas perdre trop de bonnes terres en le creusant, on l'avait étendu principalement du côté de la Libye. La pêche en valait au prince des sommes immenses. Et ainsi, quand la terre ne produisait rien, on en tirait des trésors en la couvrant d'eau. Deux pyramides, dont chacune portait sur un trône deux statues colossales, l'une de Myris et l'autre de sa femme, s'élevaient de 300 pieds au milieu du lac et occupaient sous les eaux un pareil espace. Ainsi, elles faisaient voir qu'on les avait érigées avant que le creux eût été rempli et montraient qu'un lac de cette étendue avait été fait de main d'homme sous un seul prince.